nur de silo hin er bezonnek. C'est l'heure de retrouver hin er bezonnek. Vous êtes bien sur RKB pour Hentar Brezonek avec Anne et Henri. Comme d'habitude, on commence par Gary Warvué. On est rendu à l'émission 424. Père Warnugen. 424, c'est pas facile. Non, Père Rand à Père Warnugen, oui. Alors aujourd'hui, j'avais pensé parler d'un mot qui est en même temps une racine, avec beaucoup de dérivés, qui est terre. Terre qui veut dire, c'est la fuite. Mmh. Voilà. Donc c'est un mot masculin, donc il n'y a pas de mutation après l'article, une terre, la fuite. Alors c'est une très vieille racine celtique, hein, puisqu'on la trouvait déjà en gaulois, et on la retrouve actuellement en cornique, en gallois et même en gaélique irlandais. Alors cette racine a donné beaucoup de dérivés, on l'utilise simplement le mot, hein, une terre. Par exemple, mon noir d'air, c'est prendre la fuite, hein. Alors c'est pas seulement la fuite, c'est aussi l'écartement, le recul. Enfin bon, c'est se déplacer, c'est un déplacement qui est la conséquence d'autre chose, quoi. Donc la fuite c'en est un, mais c'est pas le seul. Hein. Des dérivés, par exemple, terhadak, c'est une débandade, hein. Terhadak, hein. Donc c'est un mot féminin, donc derhadag, hein, la débandade, hein, quand tout le monde s'en va, fuite généralisée, quoi. Voilà. Alors il y a par exemple un terhur ou terhar. Terhur ou terhar, c'est le fuyard, l'échapper, l'évader, quoi. Hein. Voilà. Alors l'expression hein, kemer un terh, hein, prendre la fuite, hein, qui est peut-être calquée sur le français. D'ailleurs, c'est pas sûr que ça soit vraiment d'origine bretonne. Voilà. Alors, un adjectif, hein, on a vu il n'y a pas très longtemps les adjectifs en us, comme ça on peut en faire avec beaucoup de choses. Terrus, hein. Terrus qui s'échappe, qui est fugace, hein, qui est fuyant, hein, qui dure pas longtemps, enfin, voilà. Ce serait le contraire de padus, hein, dans cette acceptation-là, quoi. Voilà. Alors, terhaden aussi, terhaden, hein, qui est un mot féminin qui veut dire l'évasion, la fugue, hein. Voilà, un derhaden, hein, donc l'évasion, hein. Voilà. Alors, bien sûr, il y en a un autre aussi qui est terhidiges, hein. Terhidiges, qui est aussi féminin. Donc il y a plusieurs mots comme ça qui sont bâtis à partir de terre. Et terhidiges, ça veut dire? Terhidiges, c'est la fugacité. D'accord. La fugacité. Utilisé très couramment, n'est-ce pas? Oui, c'est pas tout à fait franc. Et puis quand on arrive avec des mots très longs, en général, les Bretons n'aiment pas ça et on formule la phrase autrement, quoi. Alors il y a un verbe, bien sûr, hein, terhoud, hein, qui est terhoud ou terhal, hein, qui veut dire s'en aller, prendre la fuite. Qui veut dire s'écarter, hein. Par exemple, dans la chanson Endurzunel, hein, il y a Squoise de meuse me fusul, mettez-le de meuse val, terre des Endurzunel, anige de roi d'elle. Donc la tourterelle est partie, hein, et elle a volé jusqu'à un autre bois. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas terrible pour chanter. Voilà. Mais bon. Alors, terroud, on peut mettre cuite derrière aussi, un terroud cuite, hein, pour renforcer l'idée de s'en aller. Hein. Mm-hmm. Terroud heureux, des expressions comme... alors, le verbe, c'est terroud ou terral. Hein. Ici, c'est plutôt terral, d'ailleurs. Mais le participe passé, c'est toujours terral. Hein. Voilà. Alors, il faut bien prononcer ces apostrophages, parce que s'il n'y a pas l'apostrophe, c'est teched, hein, qui veut dire tout à fait autre chose. On verra ça un jour certainement aussi. Donc terhoud rog iskut, c'est-à-dire partir devant son ombre, avoir peur de son ombre, quoi. Voilà. Terhoud eveler spontail, hein, s'enfuir comme un épouvantail. En général, c'est plutôt l'épouvantail qui qui fait fuir, fuir, oui. Voilà. Terra de Andrazé, alors oui, il y a des sens un peu différents. Terra de Andrazé, dit Grandin, hein, cette chose-là m'est sortie. Sortie de l'esprit, par exemple. Hein. Voilà. Un ordre, par exemple, terre de Warmehend, écarte-toi de mon chemin. C'est pas très gentil, ça. Hein. Voilà. Terre de Warmehend, terre à l'aise, enlève-toi de là, quoi. Hein. Voilà. Dans Jules Gros, j'ai trouvé aussi, par exemple, comme quoi on voit qu'il y a plusieurs sens. Nidibion ne derreket diragenini bras. C'est-à-dire, le petit ne reculait pas devant le grand. Donc, il y a cette idée de s'écarter, de prendre la fuite, voilà, de se déplacer. Bon, ben, on a fait un petit peu le tour de terre, hein. Voilà. Alors, c'est pas toujours très employé, hein. Mais c'est quand même un verbe intéressant. Et une racine, hein, terre. Eh ben, terre, vraiment. Allons-y. On passe à la deuxième partie d'émission, Brezhoneg tant ma tombe. Ouais. Deuxième partie d'émission, Brezhoneg tant ma tombe. Donc on continue, on avait commencé sur le brofanche et on va continuer. Oui, alors ce que je voulais faire, c'est faire un peu une comparaison entre le breton du pays fanche et le breton du pays ficelle. Là, il y a une mini frontière linguistique, donc avec des expressions qui sont un peu variables. Alors, c'est l'ébauche d'un travail, hein, parce que il y a un travail beaucoup plus important à faire là-dessus, mais bon, quelques considérations. Alors déjà, j'avais parlé des deux façons de parler un petit peu, et il y a, dans les écrits, on trouve pas grand-chose, il y a un écrivain qui écrivait des chansons, des poèmes, qui s'appelait Johan de Brenberg, hein, qui était de... Donc né à Pumrit et qui était lui qui écrivait le breton du comme on le parle dans le pays fanche. Mm-hmm. On peut dire que c'est un écrivain fanchophone. par contre, j'ai pas trouvé vraiment de façon d'écrire particulière dans le pays ficelle, parce que on trouve par exemple bon Philomena Cadoret par exemple elle écrit un breton très unifié en fait. Hein. Donc il y a peut-être quelques expressions qu'on trouvera, il y aura un long travail à faire là-dessus, mais tout ça, le Garec par exemple aussi, qui est un gris moellou, mm-hmm. Bon, il a un breton tout à fait standard, hein. Donc il y aurait certainement, on trouverait hein, certainement quand même des variantes, mais C'est surtout dans la langue écrite, dans la langue parlée, je veux dire. Hein. Donc voilà. Alors donc j'avais un peu défini ce qu'était le pays fanche et le pays ficelle là, et j'avais donné comme exemple la Herse par exemple, hein, qu'on va dire Nogent par ici dans le pays fanche et Vraise dans le pays ficelle. Mm-hmm. Hein. Par exemple, on dit, il y a un proverbe qui dit Ney peinveil d'orvez dit wan ferrog vraise, c'est-à-dire l'orge sauf la honte, un penveit, on parlera de ce mot-là une fois, penveit d'orvris, et dit one ferrovris, c'est-à-dire germerait avant qu'on le sème, pratiquement, quoi. Donc voilà, orvris et genog. Alors, bien sûr, là, il y a une différence, tout à fait importante, c'est les repas. Ah. Les repas se disent pas de la même façon, c'est-à-dire que, ici, quand on se lève, on commence par l'aigne, hein, donc le petit déjeuner. Mm-hmm. Après, haleigne, merne, haverne et coin. Alors que dans le pays ficelle, c'est dujen, hatujen, l'aigne à midi, et après c'est coin aussi le soir. C'est alors prononcer coin. Hein. Uh-huh. Voilà. Uh-huh. Mais ça c'est assez général les a qui se prononcent e. Hein, par exemple. On va dire Loire ici pour la lune et Loire pour en pays ficelle. Donc les repas sont. Alors ce qui est intéressant, j'ai cherché dans le dictionnaire de Grégoire de Rostronin en 1738 comment il disait les repas et il cite les repas dans le mode ficelle quoi. Hein. Donc c'est bien la langue de Rostronin hein, qui l'utilise donc le ficelle. Alors il y a donc les repas. Alors il y a plein d'histoires là-dessus, hein, de quiproquo à propos du mot laigne surtout, hein, puisque laigne c'est en se levant ici et c'est à midi. Donc si on oui voilà. Donc quand on demande à quelqu'un s'il a déjà déjeuné, enfin bon, voilà. Et par contre le soir tout le monde se rassemble autour de coin ou de coin, hein. Voilà. Alors il y a aussi donc j'ai dit il y a des différences de prononciation. Il y a aussi par exemple on va dire pour la terre on va dire une douar ici et une douar par exemple à Kerngrist on va dire une douar hein. Un peu comme dans le Vanté on dit douar aussi. Mm-hmm. Rapidement si bien que quand on chante Petrus war une douar hein, des Vantés disent Petrus war une douar. Uh-huh. Pour attraper le pied. Sinon, on perd un pied. Et dans les champs, c'est embêtant quand on perd un pied. Alors, il y a aussi, par exemple, la façon de dire « il faut que je fasse quelque chose ». Ici, on va dire « rededin ». Et dans le pays ficelle, on dit « dawedin ». Hein. Bon, les deux se comprennent très bien dans les deux cas, mais en général, les gens utilisent « rededin » ici et « dawedin » en pays ficelle. De même, par exemple, on va dire ici, pour quelque chose de suspendu, on dit « in pigne ». Et dans le pays ficelle, on dit « in secours ». Alors, on peut trouver des exemples d'emploi ici aussi, hein, mais c'est la plus grande partie, quand même, le plus souvent. Le plus usité, voilà. Alors, il y a aussi un verbe assez... qui est un verbe assez curieux, qui est le verbe « bernout ». « Bernout », ça veut dire « importer ». Et donc la base verbale c'est bern et importer c'est avoir d'importance en fait. Et la base verbale c'est bern et la forme négative qui est celle qu'on emploie presque tout le temps c'est nevernket ou nevernaket. Et dans le pays ficelle on emploie beaucoup cette forme là. Mm-hmm. Vernakedin hein, ça m'est égal hein, bon. Nevernket vernradar hein ça c'est important pour toi. Alors que dans le pays plin, on l'entend pratiquement jamais. Par exemple, on va dire ne rank vorse, hein, ça m'est égal. Mais on comprend très bien le vernacle, mais c'est vrai que c'est très peu employé, quoi. Mmh. Voilà. Alors voilà un petit peu quelques exemples de ficellerie et de fancherie. Voilà. Mais il y aurait beaucoup de choses à voir là-dessus, hein, parce que, à retravailler, parce que, en particulier dans le dictionnaire de Grégoire de Rostronin, il y a toute une mine d'or là-dessus, donc on pourrait faire un peu de dialectologie locale. Voilà. Enfin, voilà quelques exemples, en tout cas. Très bien, merci Henri. On passe à la troisième partie d'émission, Petra Zonivier-Vro. Alcatraz au Nevers, bon, c'est la petite gazette d'Henri Le Naou. Gazette bimensuelle. Eri, voilà. Petra zo nevervro. Bah, kal zo drau zo nevervro, jizmat, boi ar vej di ouzan. Ma peu soin de vos krogen gant de la pour dou ar vel custum. bon, ayon bremañ, bah, ben nevez amzer, hag, aie point de la kad un trevad ou vel ur maïs, me bran ben amzer, hag, ne vaut que rester de la kad ur maïs blanc, me jonjan. Végel, Alice, me zbikom de tard de ze roi d'elf, hein, ze zo pezvela peuplier in galag, hein. Puis yor vraiment zo kudé, nous grandzé, puis yor neus ket quadoir, hag, bon, staliou, raouardro, roi d'Elve, zo kaz, lak ad un dud de Blantan, hein, ba l'er yo gle, ba ve lak ad ur venz. Puis on ve impli et kal, viz or kal se draou, vel bouestiou four, ma ja traou dis. Hag, se tu ve impli jen mur, vid ve plantet. Pez zo val, evel just. Red vo, hag an se ma zo tud, hein, zo, neus roan de Blantan, hein, passerai ol me mestra, me Blantan o neub, de, war, ba l'er yo gle, be fe bet an dravat. Nevezo, bon, on dra, a gazelle de zela pour douar, a gazo triz un tam, triz tre, ma, mais e, un tilar en yir indes, ba melkarez, o bezerat, penelan, a gaz e oas penelantur kan edud o la boad, a gazo zerad, a zezo un tol val tre, vid ar vro, evel just, hein, kal ze doi o val zo bet, hein, med, vejmez un tol val roas, bon, n'est-ce que Bekov est un disclume benek visé, quoi. C'est une bézérette, quoi. Bon, comme ça, mon temps, vraiment, de ce politique, eres. Un DL ou un banangle de Berntut, manifeste, et vide, vous avez une vente, une braise. Ou ardro d'egmil zo bet, d'egmil dut, puis dur, ou à Bégalve de, un dut de manifeste, et visé. Hag, bon, zo bet kalz dud a kalz politikourien de ze bep sort stroladou zo bet. Vid goul vefe bet stag de Ligue Radlant, el Brunang, de Benefin, de Vreiz, vel oa Gwegel. Med, bon, kalz dud neus bet klev de pez neus lar de notre ou Valz ar, Roux et Vrans, vraiment, Roux et Valz. Ya, Roux et Manuel Tchaltan. Hag un eus glar ed, vije be red ob or, rand vroio ou pel brasor. Hag, zouez edon, plusieurs, benefin, tout de bo, bulitico yen de breiz, or a trez de, n'un que comprenne et peso belaret. Aura 13 de jonjal vos grèdes, braise gant pem département. Mais n'est que zétan me bé de jonge vals, hein, puis dur vals, pèse de soin d'or et rand vroya ou gant dek pé dose département. C'est aga, aga, car en zoué, juste, même ce musclette politique ou rien de ce vro, hein, au lavar ou de bonne zézondra, bonne digor des, un or, red vos monde pelor, mais n'est que zé t'en me bête, hein, n'est que zé t'en me bête. Hag, un dra spontus vefe bête, m'avait bête grèdze. Puis dur, m'avait grèdze, vos bains de braise, mais les fines, ben, non, mais que, dès que on est des départements, hag, vos échus, en histoire braise, mais les fines, caradine, zé, zo grévustré. Hag, on zouait de, plus dur, assez bon, zo, clède, vingt politicours, yen, au lard, bon, ne vaut que grèze, mais de bénéfine, pévoy, Hulz, tout de jacobine, dans le lac ensemble, c'est fait qu'ils agissent, tu vois, Réven, Réru, tout, on y a dû viser, axés au Andras Pontus, car m'avait grèze, vos sterts divin, vro, divin, zévena, durant, plus dur, vos pas, tout d'un trou, Ag, bon, evel juste, ma vegredze ne vaut que de l'art et d'or bros justu, quoi, ne var vaut que d'un déwaler. Mais tant ma tom, gwelet zo bet pe sa mode, ba vronaunet, hein. Déjà, et colle de spire de gant calze dune, du de bon, zé, bede wastag de, Ligue Atlantil de ce pays de Loire, el velard. Hag, bon, vraiment, zo kal zo dud an un kejon chine e n'bet breiz. Hag, zezo kostan matan, ma vegret ze, vo ba breiz, a vo kol de spirit. Hag pelzom Jacobine do Kaslar en Evro, un bon boy Emile Combe, ben, Alice Muscom, je de Sins, hein. Personne très mal, de Hulselar et Emile Combe, Mevelen Djoul. Hag Hins de Sbed, in de Skondangle de Brezon, de Boulard, Hag boy, bon, une trou d'une que change cal, tombe trop ou vegred, mais un trou de revoir d'une que change cal. Bon, sais-tu, Gaftine, ou arrête, comme de sais, qu'à, m'avait grezé, vous une drosse pont, tu suis de braise, hein. Hag, bonne quoi, le pétrazonné de suroir manifeste, iroise, m'avait grezé vos cas d'une manifeste, quand de brandier l'oubraise, à bagado, yo, à bobsorn, mais n'est que zé, change un trou. Puis dur, vélard en d'art, jonge à l'ron, réseau bapen un trou, même ze braise en me, drubardo, hein. Puis vos kitchen, or, rendre vos bras, quoi. Plusieurs zézo baspère et Jacobine. Hein. Bon, c'est une même grède, on tombe trop, voire. Non, que de l'art. Pétrazonné vert. Pas de l'art, Hendel, mais grède vos belles végèles. Kéno Henri.